Une leurre dans le ciel, ça sent la ruée. Y'a pas que les mouches qui vont y goûter. Les noobs sortent poil comme des fourmis. Mais moi, je suis planqué avec mon Tommy. Ah équipe, une caisse et zéro fois. Le loot c'est Dieu, je suis son prophète, crois-moi. Je dégaine avant même le splash final. Et je bénis les morts avec mon chargeur intégral. Caisse de ravito ou crise de foi. T'as cru que russe c'était la loi. On se tape, on loot, on fout la bagaille. Riders qui règne sur le bétail. Un mec s'agenouille, croit que je vais l'épargner. Mais je fais pas dans l'humanitaire pixelisé. Tu rêves de loot, je te laisse le sac rempli de cailloux avec un tag sac à claque. Caisse de ravito ou crise de foi. T'as cru que russe c'était la loi. On se tape, on loot, on fout la pagaille. Raiders qui règne sur le bétail. Caisse de ravito ou crise de foi. T'as cru que russe c'était la loi. On se tape, on loot, on fout la pagaille. Raiders qui règne sur le bétail. Que deux maintenant, pas plus qu'un et c'est peu. J'ai pas besoin d'équipe ni d'honneur, juste d'un bon micro et d'un viewer moqueur. Caisse de ravito ou crise de foi. T'as cru que russe c'était la loi. On se tape, on loot, on fout la pagaille. Raiders qui règne sur le bétail. T'as cru que russe c'était la loi. On...